C'est une première et une leçon dans un sous-continent toujours agité et où on ne compte plus les putschs et l'instauration de régimes autoritaires. Une première, oui, au moins pour le Pérou, où un ancien président comparaît devant un tribunal. Déjà condamné en décembre 2007 à 6 années de prison pour avoir ordonné une perquisition illégale, Alberto Fujimori comparaît à nouveau devant la Cour suprême fédérale et risque maintenant une peine de 30 années pour son implication dans 2 massacres perpétrés dans les années 90 alors qu'il était au pouvoir au Pérou. El Chino, comme les Péruviens l'appellent à cause de son ascendance japonaise, a donc perdu. Et après de 70 ans, sa vie politique est vraisemblablement terminée. Et pourtant, après avoir fui son pays, il préparait activement son retour et n'excluait pas d'être à nouveau candidat à l'élection présidentielle. À moins, et cette hypothèse a été sérieusement envisagée, qu'il n'ait choisi d'être élu sénateur conservateur au Japon, où il s'était provisoirement réfugié et dont il avait acquis la nationalité durant son exil. M. X revient sur les réelles responsabilités de Fujimori dans les affaires criminelles qui l'accablent et sur l'existence de son âme damnée, un curieux personnage, Vladimiro Montesinos, chef tout-puissant des services secrets, numéro 2 du régime et, accessoirement, agent de la CIA. Alberto Fujimori, c'est une sorte d'extraterrestre dans la vie politique péruvienne. Comme voulez-vous dire? Lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle en 1990, cet ingénieur agronome devenu recteur d'université est un quasi-inconnu. D'origine japonaise, de surcroît, dans un pays où il n'y a que 10% d'immigrés asiatiques. En outre, en face de lui, il y a un candidat prestigieux, l'écrivain Mario Vargas Llosa. Et je me souviens que tout le monde donnait ce dernier gagnant. Hein. Bien sûr. Ouais. Or, au premier tour, Fujimori talonne Mario Vargas Llosa. Et au deuxième tour, il gagne. Très confortablement, oui. Alors, sur quel programme? Il a un slogan, travail, honnêteté, technologie. C'est un peu flou, non? Ouais, mais ça marche. Il faut dire qu'en 1990, la situation du Pérou est catastrophique. L'économie est au plus mal. L'inflation atteint des niveaux records et la plus grande partie de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Et il y a encore la corruption généralisée, le choléra et une guerre civile qui ensanglante le pays. Le fameux sentier lumineux. Oui, une narco-guérilla d'obédience maoïste qui a déjà massacré des milliers de Péruviens. Il faut aussi signaler l'existence du mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Bref, le Pérou est alors au bord de l'effondrement. La population, hélas. Et ce sont justement les classes populaires et la gauche qui ont donné leur voix à Fujimori. D'ailleurs, au cours de sa campagne, le candidat s'est présenté comme le porte-drapeau des laissés-pour-compte. Et politiquement Fondamentalement, Fujimori est un libéral. Il va très vite le prouver en prenant à contre-pied son électorat populaire. Il inflige en effet au pays un plan de rigueur sans précédent, dont les premières victimes sont naturellement les plus pauvres. Et brièvement, alors, en quoi ça a consisté? Il a voulu rétablir la vérité des prix et donc supprimer toutes les subventions. Le résultat de ce Fujishock, comme les Péruviens l'ont appelé, ça a été une flambée immédiate du coût de toutes les denrées de base. Bon, je ne vous donnerai qu'un exemple. L'essence a augmenté de 3000%. Mais en revanche, c'est vrai, cela a permis de maîtriser l'inflation. Et après une période de récession, le Pérou va connaître une croissance importante. Et comment les Péruviens ont accueilli ce traitement de choc, là? Oh, Fujimori s'y attendait. Il y a bien eu des manifestations, de protestations, mais dans l'ensemble, la population a accepté cette cure de rigueur. Et puis le président péruvien tenait d'une main ferme les rênes du pouvoir et bénéficiait du soutien de l'armée, ce qui est indispensable dans un État d'Amérique latine. Ouais, surtout dans un pays déchiré par une guerre civile. Oui, et d'ailleurs, Fujimori va assigner à l'armée la mission de mettre fin le plus vite possible à cette guerre. Il faut savoir qu'à l'époque, le Sentier Lumineux, qui est le mouvement le plus sanguinaire, contrôle des secteurs entiers du territoire péruvien. Les guerrieros y font la loi, et contrôlent en particulier la production de la coca. Une activité lucrative. En effet. Et avec l'aide des Américains, le gouvernement péruvien va mener une lutte très active contre les guérillas. En 1992, les chefs du Sentier Lumineux et de Tupac Amaru sont arrêtés. Pourtant, il y aura plus tard spectaculaire prise d'otage à l'ambassade du Japon à Lima. En 1996, vous avez tout à fait raison. Ce sera le chant du cygne de Tupac Amaru, une affaire qui reste encore très mystérieuse et qui mérite qu'on y revienne prochainement. Oui, ouais, pourquoi pas. Mmh. En tout cas, Fujimori fait là une démonstration de force. Oui, c'est lui qui ordonne personnellement l'assaut. Et il posera ostensiblement au milieu des soldats qui ont tué tous les preneurs d'otages. Le président Rambo. Une posture qu'aurait pu prendre un président Bush, par exemple. Alors, vous laissez encore aller là votre détestation du président états-unien. Quoi qu'il en soit, les premières années au pouvoir de Fujimori sont donc plutôt positives. C'est incontestable. Sa politique néolibérale donne des résultats. Il privatise, il attire les investissements étrangers, il paie ses dettes et il est considéré par le Fonds monétaire international comme un bon élève. Ce qui est parfois à double tranchant. Oui, hein, oui, car ce boom économique ne profite pas à tout le monde. Le travail précaire et l'économie souterraine ont proliféré. Et il y a toujours une bonne moitié de la population qui vit dans la misère, surtout dans les Andes et l'Amazone péruvienne. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'au cours des années, le régime va se durcir. Une véritable dérive autoritaire. Mario Vargas Llosa, l'ancien concurrent de Fujimori, pourra même parler de démocrature. Démocrature, une apparence de démocratie, mais en réalité une dictature. C'est cela. Mais ça commence très tôt, en 1992. Fujimori vient de remporter de vrais succès contre les guérillas. Mais sur le plan politique et social, il est contesté. Alors, pour faire taire cette opposition et renforcer son pouvoir, il organise un auto-coup d'État. Un auto-coup d'État ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il dissout le Parlement, fait adopter une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs de l'exécutif. Ça n'a pu se faire naturellement qu'avec l'accord de l'armée. Mais ce n'est qu'un début. En 1995, après une réélection triomphale, Fujimori accroît encore ses pouvoirs et ceux de l'armée. Et alors que la constitution ne permet pas au chef de l'État de se représenter pour un troisième mandat, Fujimori bricole une loi qui lui donne cette possibilité. On peut donc parler, là, de pouvoir personnel. Absolument. Mmh. Et il ne fait pas bon s'opposer à sa volonté. Trois juges du tribunal constitutionnel qui ont contesté cette loi ont été purement et simplement limogés. La presse est bâillonnée. Les journalistes physiquement menacés. Des opposants sont arrêtés, parfois torturés par les militaires. Et en 2000, Fujimori ne devra sa réélection qu'à une fraude colossale. Mais comment expliquer, là, cette dérive progressive, quoi, la soif du pouvoir ? Certainement. Mais la vraie raison, en tout cas la plus importante, c'est la présence auprès du président péruvien d'un homme, Vladimiro Montesinos, un conseiller tout-puissant, le chef des services secrets, numéro 2 du régime, dans les faits, et sans doute même le numéro 1. Ah, numéro 1, ça voulait dire que ce Montesinos a été peut-être le vrai maître du pays ? Je le pense, en effet. Alors, parlons de cet homme de l'ombre. Volontiers. Et vous avez raison de parler d'homme de l'ombre, car Montesinos apparaissait très peu en public, à tel point qu'il n'existait pratiquement pas de photo de lui. Autre détail intéressant. Ses parents lui ont donné comme prénom Vladimiro Ilitch. En hommage à Lénine. Exactement. Et comme Carlos, hein. Oui, ouais. Mais Montesinos, lui, ne deviendra pas un terroriste international, mais une sorte de voleur officiel. Enfin, n'allons pas trop vite. Vladimiro commence sa brillante carrière dans l'armée. Il fait d'abord un stage dans une institution militaire américaine située à Fort Benning. Il me semble que vous avez déjà évoqué ce Fort Benning. C'est exact. Ouais. Fort Benning a vu passer la plupart des militaires d'Amérique latine qui plus tard feront tristement parler d'eux. Les Noriega, Videla, Banzer, etc. Tous ces officiers putschistes et tortionnaires qui feront régner la terreur dans leur pays. Et vous insinuez que c'est à Fort Benning qu'ils ont appris ces méthodes. Non, c'est certain. Enfin, passons. Après Fort Benning, Montesinos intègre l'école militaire péruvienne. Et il en sort avec le grade de capitaine. Mais déjà, il a de curieuses habitudes. C'est-à-dire Eh bien, le jeune Montesinos fait des fiches. Des fiches sur qui ou sur quoi ? Des fiches sur ses camarades, ses profs. Curieuse mentalité, hein. Ah, ce type-là a une réelle vocation. Il réussira puisqu'il finira par être le premier flic du Pérou. Mais revenons à l'histoire de sa vie. Il est donc capitaine dans les années 60. Un officier plutôt brillant qui affiche très vite ses ambitions. Une carrière militaire classique ne l'intéresse pas. Que veut-il alors ? C'est le pouvoir qu'il gagne. La politique. Oui, mais pas au premier plan. pas sous le feu des projecteurs. Montesinos est un manipulateur d'hommes. Ce qu'il aime, c'est la réalité du pouvoir, pas ses apparences. Et il commence tôt. Dans les années 60 et 70, le Pérou est alors dirigé par une junte militaire d'obédience marxiste. Montesinos réussit à devenir l'aide de camp du premier ministre de l'époque, Edgardo Jarrín. Et déjà, on dit que c'est lui qui inspire la plupart des décisions gouvernementales. Eh, hey, il est allé vite en besogne, hein. En effet, mais ça ne lui suffit pas. Au milieu des années 70, il participe à un putsch d'officiers qui veulent mettre fin à l'expérience marxiste. Il trahit donc son patron. Mais il obéit à ses vrais maîtres. Car depuis sa formation à Fort Benning, Vladimiro Montesinos est un homme des Américains. Dans un livre paru en 2002, « La citadelle endormie » de Jean Guinel, j'ai trouvé quelques détails sur cette école de Fort Benning, la School of Americas. Le journaliste révèle d'abord qu'un des professeurs de cette école très spéciale n'était autre que le général Osares, qui s'est vanté d'avoir pratiqué la torture en Algérie. Guinel écrit ensuite. L'US Army se défend toutefois d'avoir monté avec la School of the Americas une école de formation à la torture, aux opérations spéciales dirigées contre les populations civiles indociles et à la prise de pouvoir par des militaires sud-américains inféodés aux États-Unis. Un centre de formation de la CIA, pour tout dire. Les polémiques ne cessant pourtant pas, l'école a été soumise à nombre d'enquêtes à tel point que le Pentagone a dû admettre en 1996 que 7 des manuels d'instruction remis aux stagiaires et rédigés en espagnol leur indiquaient les différentes méthodes de coercition à exercer contre les guérilleros, dont la torture et l'assassinat. Aux accusations qui la visaient, l'US Army a également répondu en 1996 qu'elle avait institué des études de cas, permettant d'analyser ses propres bavures afin qu'elles ne se reproduisent pas en d'autres pays. Le livre de Jean Guinel est paru chez Fayard. Le putsch auquel a participé Montesinos est un échec, enfin un demi-échec plutôt, car moins d'un mois après, le président sera renversé et les nouveaux maîtres du pays mettront fin à l'expérience marxiste. Et quelles conséquences pour Montesinos lui-même, hein? On se méfie de lui. Et il est muté dans un poste frontière loin de la capitale. Mais, éloigné des centres du pouvoir, il ne tient pas en place. Et peu de temps après, il part pour les États-Unis. À noter que le voyage est payé par les Américains et que Montesinos, pour s'octroyer cette permission, n'a pas hésité à faire de fausses signatures. Bon. Et quel est l'objet de ce voyage, hein? Le Pérou, même s'il avait rompu avec le marxisme, gardait de très bonnes relations avec l'URSS. Et ça, ça intéressait beaucoup les Américains. Et Montesinos possédait de précieuses informations sur les rapports des Péruviens avec les Soviétiques? Bien entendu. Il connaissait notamment dans le détail le secret des livraisons d'armes soviétiques à son pays. Mais quand il revient au Pérou, on l'accuse d'avoir déserté et falsifié des papiers. Il est radié de l'armée et condamné à 5 ans de prison. Toutefois, il tombe malade. Et après un an de détention, il est libéré. Il en profite aussitôt pour fuir le Pérou. Où va-t-il, là? En Argentine. Où les militaires sont au pouvoir. Mais ce n'est pas un hasard. Montesinos doit se trouver là-bas comme un poisson dans l'eau. Mais concrètement, que fait-il en Argentine? Très curieusement, il fait des études de droit. Montesinos veut devenir avocat. Il réussit. Oui, il obtient très rapidement son doctorat en droit. La suite est très instructive. L'avocat Montesinos se spécialise dans la défense des trafiquants de drogue. Des Colombiens, essentiellement. Ça lui permet de rencontrer les principaux chefs du trafic. Qui sont alors Escobar, Ochoa et puis tous les autres. Bien sûr. Et ben, j'imagine que ça doit être très fructueux. Oui. Montesinos commence à construire sa fortune ainsi, mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Montesinos est un homme des Américains. Oui, de la CIA, vous voulez dire. Bon, c'était sous-entendu. Donc, Montesinos se livre à un double jeu. D'une part, il conseille les trafiquants et assure leur défense. Et de l'autre, il renseigne les Américains sur leurs activités. Ah oui, il touche des deux côtés, quoi. C'est certain. Mais d'après ce que vous pouvez savoir, en tout cas, est-ce qu'il garde des informations pour lui? Il doit garder la confiance des parrains de la drogue. Par conséquent, il ne peut pas tout dire. Mais nous en avons déjà parlé. La CIA n'a pas toujours eu une attitude très claire avec le trafic de drogue. Mais elle l'a parfois favorisé. Oui, mais on va reparler de la CIA, je vous promets. Car elle est au cœur de toute cette histoire. Au début des années 80... Montesinos revient au Pérou. Il est blanchi, tellement blanchi qu'il parvient à entrer dans le service de renseignement péruvien, le CIN. Tout en restant avocat. Oui. Ouais. Ça aussi, ce n'est pas banal. Hein. Je ne vous le fais pas dire. Et Montesinos, qui est un type malin, grimpe très rapidement les échelons à l'intérieur de ce service. Ouais. Ben, vous m'avez dit que c'était depuis longtemps un spécialiste du fichage. Oui, oui, il n'a pas cessé, vous l'imaginez bien. Toute sa vie, il a constitué des dossiers. Ça explique pourquoi il sera pratiquement inattaquable, malgré les méfaits qu'il va accumuler. Mais la chance de sa vie, si je puis dire, c'est sa rencontre avec Alberto Fujimori. Le futur président péruvien est alors accusé de fraude fiscale. Montesinos devient son avocat et règle l'affaire au mieux. Il a donc gagné la confiance de Fujimori. Et je suis à peu près sûr que c'est lui qui a convaincu Fujimori de se présenter à l'élection présidentielle et qui a pris en main sa carrière politique. Et là, ben, il faut reconnaître son talent. Car faire élire ce Japonais immigré totalement inconnu, ce n'était pas une mince affaire. J'ajoute que c'est aussi Montesinos qui va réunir une partie des fonds nécessaires à la campagne électorale. Mais où les trouve-t-il? Ben, y a beaucoup de gens qui n'ont rien à lui refuser. Ben, les fameux dossiers, là? Oui, et il a sollicité aussi ses amis trafiquants de drogue, Pablo Escobar, le patron colombien du cartel de Medellín, a contribué pour $1 million, dans le plus grand secret, évidemment. Fujimori, élu, va naturellement récompenser Montesinos. Ah, c'est évident. Il devient aussitôt son conseiller pour la sécurité et prend la tête du CIN. Les services secrets. Et de fait, il est aussi le véritable chef des armées. Une puissance considérable. Oui, oui, Montesinos est le véritable homme fort du pays, avant même Fujimori. Mais il n'y a pas de compétition entre les deux hommes. Montesinos n'aime rien tant que l'ombre. Et il laisse alors Fujimori parader. Et pendant ce temps-là, lui continue à s'enrichir. Il a constitué des dossiers sur tout le monde, m'avez-vous dit. Et sur Fujimori? Il m'étonnerait qu'il ait agi autrement avec son ami le président. Après tout, l'avenir n'est jamais sûr. Et Montesinos était bien placé pour savoir qu'Alberto Fujimori n'était pas un parangon de vertu. Donc il tenait Fujimori. D'autant mieux qu'il n'a jamais manqué d'associer le président péruvien aux turpitudes et aux actions illégales qu'il a perpétrées. Alors justement, là, venons-en là, ces turpitudes-là. Mais allez, une question quand même auparavant. Pendant toutes ces années-là, au cours desquelles Montesinos travaille la main dans la main avec Fujimori, est-ce qu'il continue, lui, Montesinos, d'être en relation avec les Américains? Forcément, quand on a commencé, il est difficile d'arrêter. Et puis franchement, Montesinos n'avait pas envie de rompre. L'agence américaine le rétribuait fort bien. Certains de vos confrères ont affirmé qu'il touchait $1 million par an. Ce qui rendait donc des services appréciés. Oui, enfin, j'y reviendrai plus tard. Mais est-ce qu'alors, Fujimori savait que Montesinos était un agent de la CIA? Absolument. Et ça ne le gênait pas outre mesure. Parce qu'il était pro-américain. Et que la CIA l'aidait à lutter contre les guérillas. C'est d'ailleurs dans ce domaine que Montesinos va d'abord s'illustrer. C'est lui qui coordonne la lutte contre le terrorisme. Un terrorisme particulièrement sanglant puisqu'il a provoqué la mort de milliers de personnes. Mais là où le bât blesse, c'est que sous prétexte de lutter contre les guérillas d'extrême gauche, Montesinos va constituer de véritables escadrons de la mort, et en particulier le Grupo Colina. Qu'est-ce que c'était ça? Un groupement armé dépendant directement des services de renseignement. Composé essentiellement de militaires, ce Grupo Colina est placé sous l'autorité d'un spécialiste, un certain commandant Santiago Martin Rivas, un homme qui, plus tard, pour éviter que sa compagne ne le dénonce, la fera purement et simplement décapiter. Ah oui, charmant personnage. En effet, oui. La première apparition publique, si j'ose dire, de cet escadron de la mort se produit fin 1991. Les paramilitaires font irruption dans un quartier modeste de Lima. 15 personnes, dont un enfant, sont rassemblées autour d'un barbecue. Officieusement soupçonnés d'appartenir au Sentier Lumineux, ils sont abattus. Et la vérité? Ce n'était nullement des terroristes. Quelques mois plus tard, le commando récidive dans une université de la capitale. 9 étudiants et un professeur sont enlevés et disparaissent à tout jamais. Seuls leurs corps seront retrouvés plus tard dans une fosse commune, creusée dans un terrain vague à proximité de la ville. L'autopsie des restes indiquera que les malheureux ont été abattus de plusieurs balles après avoir été torturés. Et c'est entre autres son implication dans ces 2 massacres qui vaut aujourd'hui à Fujimori de comparaître devant la justice. En octobre 2000, le Washington Post a consacré un long article au chef des services secrets péruviens. La journaliste Karen De Jong y analyse les rapports entre Montesinos et la CIA, je cite. Interrogée à propos de Montesinos, la CIA répétait sans cesse que sa politique était de ne pas discuter de sujets concernés par le renseignement. Mais un officiel du renseignement racontait que c'était le travail de l'agence de maintenir des liens étroits avec les chefs des différents services secrets étrangers. Cet officiel se référait à un rapport de la CIA au Congrès US dans lequel il était noté que l'agence faisait de façon générale soigneusement état des allégations concernant les abus en matière de droits de l'homme et prenait une décision délibérée en mettant en balance d'un côté la nature et la gravité de ces abus et de l'autre la valeur potentielle des renseignements obtenus si l'on poursuivait les relations avec le Péruvien. Et plus loin, la journaliste américaine écrit « En octobre 1996, deux sénateurs démocrates écrivirent au directeur de la CIA, John Deutsch, à propos de Montesinos, lui rappelant que les nouvelles directives de l'agence interdisaient tout lien de renseignement avec lui. Tandis que les interrogations s'amplifiaient, l'administration organisa une réunion entre toutes les agences pour revoir les liens avec Montesinos. La CIA régna sur l'Assemblée en insistant sur les services rendus par Montesinos, le fait qu'il n'existait pas de preuves évidentes de son application dans les violations des droits de l'homme et que c'était devenu une valeur inestimable dans la lutte contre les narcotrafiquants. Je ne veux pas exonérer le président Fujimori, mais il faut quand même dire que le conflit dit de basse intensité qui a opposé les guérillos péruviens aux forces armées et aux paramilitaires a causé la mort de près de 70 000 péruviens. Un terrible bilan qu'il faut répartir par moitié. Toutefois, dans certains cas, on a un peu vite considéré que les Indiens, par exemple, étaient a priori censés soutenir le sentier lumineux. Bref, enfin, comme d'habitude, ce sont les plus pauvres qui ont payé. Exactement, mais enfin, c'est souvent le cas. Autre chose, les escadrons de la mort de Montesinos ne se sont pas contentés de s'attaquer aux terroristes. Ils ont aussi traqué les opposants de tout acabit. C'est particulièrement vrai au cours du deuxième quinquennat de Fujimori, où il s'est agi aussi de contrôler les médias. Ainsi, en 1997, une affaire fait grand bruit au Pérou. Une jeune femme, sous-officier des renseignements péruviens, affirme publiquement avoir été torturée par quatre de ses supérieurs. Et pour quelle raison? Cette jeune femme, Léonore Larosa, aurait révélé à un journaliste de la télévision l'existence d'un plan secret destiné à museler la presse. Et ce plan existait réellement? Bien évidemment. Il prévoyait des mesures d'intimidation contre les journalistes et, si ça ne suffisait pas, leur élimination physique. Ah oui. D'autre part, cette jeune femme a aussi déclaré qu'il existait dans le pays un gigantesque système d'espionnage visant la presse, les magistrats, les politiciens et les syndicalistes. Et cette femme a pris des risques en parlant. Certainement. Mais Léonore Larosa espérait ainsi sauver sa vie. Quelque temps avant, l'une de ses collègues avait été retrouvée morte près de son domicile. Elle avait été décapitée, ses pieds avaient été sectionnés. Elle aussi savait beaucoup de choses. Léonore a donc pris la décision de parler pour éviter de connaître le sort de sa collègue. C'était donc alors directement les services secrets et leur patron qui étaient compromis. Mais Montesinos, soutenu à fond par Fujimori, s'en sort. Malgré les manifestations de rue, malgré les démissions de plusieurs ministres indignés par les méthodes employées par le président et son complice. Des ministres qui, il faut le remarquer, sont aussitôt remplacés par des militaires. Ah non, la militarisation du régime s'accroît, là. Désormais, on ne peut plus parler de réelle démocratie au Pérou. Et signe important, pour la première fois, Washington commence à prendre ses distances. À la Maison-Blanche, on se dit préoccupé par la manière obscure dont le Pérou est gouverné. C'est quand même pas une condamnation excessivement violente. Hein. Non, et rien ne va pratiquement changer, au moins en apparence, jusqu'à l'année 2000. Ce qui signifie alors concrètement que Washington continue de soutenir Fujimori. Oui. Mais quand même, vous avez dit « en apparence ». Et j'ai employé l'expression à bon escient. En fait, dans l'entourage de Bill Clinton, on est de plus en plus préoccupé par la dérive autoritaire du président péruvien et par les magouilles de Montesinos. Et on songe déjà à la façon dont on pourrait se débarrasser d'eux. Mais encore un peu de patience et je vous raconterai comment ça s'est réellement passé Et surtout pourquoi. Ouais, d'accord. Patientons, puisque c'est votre bon vouloir. Ah, je vous remercie. En l'an 2000, donc, les événements se précipitent de façon très curieuse. Et tout montre que quelqu'un s'est décidé à éliminer Montesinos. Ça commence au mois d'août, par la révélation d'une affaire de trafic d'armes. Des milliers de fusils d'assaut AK-47. Ouais, des Kalachnikovs. Hein. Oui. Donc, ces fusils achetés par l'armée péruvienne à la Jordanie ont été en fait livrés aux FARC. Les FARC, c'est la guérilla colombienne dont nous avons tout récemment parlé. Hein. L'affaire tourne au scandale. Une nouvelle fois, Montesinos s'est montré du doigt. Un trafic d'une telle ampleur n'a pu être effectué qu'avec son accord. Puis j'imagine qu'à l'occasion, il a dû toucher sa commission. Hein. Bah, naturellement. Peu de temps après, au mois de septembre, une cassette vidéo est diffusée à la télévision péruvienne. On y voit Montesinos en personne corrompre un député de l'opposition. Le chef des services secrets achète le vote de ce parlementaire. Ce qui est étonnant, pas étonnant, mais c'est que la scène était filmée. C'est juste. Mais on va découvrir à cette occasion que Montesinos filmait systématiquement tous les gens qui venaient le solliciter dans son bureau. Il a accumulé, on l'apprendra plus tard, des milliers d'enregistrements clandestins où l'on voit des dirigeants, des hommes politiques, des chefs d'entreprise recevoir le prix de la corruption. Mmh. Il a donc piégé la plupart des décideurs du pays. Oui, d'autres cassettes enregistrées par les services secrets montrent de façon très claire les pratiques sexuelles de quelques autres de ces hommes. Montesinos a donc monté là une énorme vidéothèque qui lui permet de faire chanter tous ces gens filmés à leur insu. Exactement. Et c'est comme ça qu'il tient le pays. Avec l'assentiment du président Fujimori. Oh, bon, c'est très probable. Mais comment? Expliquez-moi, là, comment cette première cassette vidéo est-elle parvenue à la télévision? Bonne question. La version officielle est qu'un gradé des services secrets aurait trahi Montesinos. Mais je vois que vous n'y croyez pas. Pas trop, non. Je suis persuadé que cette fuite a été programmée par ceux qui voulaient se débarrasser de lui. La diffusion de cette cassette, en tout cas, doit faire scandale. Hein. Cette fois, Montesinos s'est pris à son propre piège. Il comprend très vite qu'il ne pourra pas échapper à la justice. Et il fuit à l'étranger. C'est le début d'une cavale qui va durer plusieurs mois. Mais l'entreprise de démolition, si je puis appeler ça ainsi, continue pendant sa fuite. On apprend ainsi que Montesinos a dissimulé en Suisse et dans quelques paradis fiscaux des centaines de millions de dollars. Et comment alors le président Fujimori réagit-il, lui? Ces révélations sont tellement accablantes qu'il est obligé de lâcher son homme de confiance. Et dans un premier temps, il dirige lui-même les opérations destinées à rechercher Montesinos tout en tentant d'escamoter les documents qui le mettent en cause personnellement. Ah oui, mais, quand même. Bien vite, il comprend qu'il va lui être impossible de rester au pouvoir. Il annonce de prochaines élections. Des élections auxquelles il affirme qu'il ne se présentera pas. Puis à l'occasion d'un voyage à l'étranger, 2 mois seulement après Montesinos, il fuit, lui aussi. Mmh. Il trouve refuge au Japon. Hein. Qu'il reconnaît comme un citoyen japonais, ce qui permet à Fujimori d'échapper à une possible demande d'extradition. J'ajoute que Fujimori n'est pas parti les mains vides. Avant de fuir, il a emporté une partie de la vidéothèque de Montesinos. Mmh. Et la cavale de Montesinos lui-même, là? Il a fini par se réfugier au Venezuela. Il se trouve que le président vénézuélien, Hugo Chavez, l'a fait autrefois connu. Il a eu la faiblesse de l'accueillir quelques mois. Montesinos a essayé de refaire sa vie au Venezuela. Sous un faux nom, il s'est fait remodeler le visage. Il pouvait alors nourrir l'espoir de vivre une retraite dorée. Après tout, même si une partie de ses comptes numérotés avait été saisie, il lui restait assez d'argent. Mais Chavez, lui aussi, a fini par le lâcher. Et Vladimiro Montesinos a été extradé vers son pays. Alors, je crois savoir que près de 70 procès sont prévus contre lui pour enrichissement illicite, détournement de fonds publics, lien avec le narcotrafic, violation des droits de l'homme, formation de groupes paramilitaires. Et depuis 2003, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, il a déjà comparu 3 fois et a écopé d'une 20aine d'années de prison. C'est bien ça, hein? Oui, oui. Entre-temps, au Pérou, le grand déballage avait commencé. Les Vladi vidéos, comme on les a appelés, ont fait les beaux soirs de la télévision péruvienne. Mais ont-elles toutes été diffusées? Bien sûr que non. Il n'empêche que grâce à ces cassettes, plus de 180 personnes, dont plusieurs ministres et militaires de haut rang, ont été mises en examen. Fujimori, lui, est donc momentanément réfugié au Japon et ensuite? Un mot avant, si vous voulez bien. Mm-hmm. Dans son lointain pays d'origine, Fujimori est considéré comme un héros. Un héros. Et pourquoi alors? Essentiellement à cause de son attitude lors de la résolution de la prise d'otage de l'ambassade du Japon à Lima en 1997. Ouais, président courageux. Enfin, et on oublie du même coup que certains preneurs d'otages ont été froidement abattus alors qu'ils s'étaient rendus. Mais je vous l'ai dit, on reparlera de cette affaire. Un moment. Fujimori pense très sérieusement à refaire une carrière politique au Japon. Toutefois, un obstacle de taille se présente. Il ne parle pas le japonais. Ah oui. Et puis surtout, Fujimori a un énorme appétit de revanche. Oui, donc il préfère revenir chez lui. Il est en effet persuadé qu'il compte encore de nombreux supporters au Pérou. Ce qui est en partie vrai, car il reste très populaire, grâce en particulier à cette affaire de prise d'otage qui a mis fin à l'existence des guérillas au Pérou. Alors il prend l'avion, d'abord pour le Chili, mais en vertu d'un mandat international, il est aussitôt arrêté. Et après plusieurs mois de tergiversation du gouvernement chilien, il est extradé vers le Pérou où il est incarcéré. Manque de jugeote de sa part, non? En tout cas, je reviens à ce que vous disiez plus haut, là. Pour vous, l'élimination de Montesinos, suivie par la déchéance de Fujimori, a été méticuleusement préparée. Montesinos, je vous l'ai dit, collaborait en principe avec les Américains dans leur lutte contre les narcotrafiquants. Mais contre rétribution, il informait aussi ces derniers des actions qui allaient être menées contre eux. Toutefois, pendant très longtemps, les Américains, qui étaient parfaitement au courant, ont préféré fermer les yeux. Mais pour quelle raison? Ils jugeaient, non sans raison, que le solde était positif. C'est-à-dire que grâce à Montesinos, ils obtenaient des résultats. C'est cela. D'autre part, la CIA lui faisait confiance. Mais une autre agence américaine, la DEA, ne partageait pas tout à fait cet avis. La DEA, c'est l'agence chargée de lutter contre le trafic de drogue. Oui, la Drug Enforcement Agency. Les employés de cette agence pensaient à juste titre que Montesinos était un homme dangereux et que sa compromission avec les narcotrafiquants risquait un jour ou l'autre d'éclabousser les États-Unis. En outre, et c'était encore plus grave, Montesinos et la CIA étaient mêlés à une opération qui pouvait provoquer un beau scandale si elle était rendue publique. De quoi s'agissait-il? La CIA avait conclu un accord avec Montesinos, un accord qui permettait aux Américains d'abattre sans sommation les avions des trafiquants de drogue qui survolaient le territoire péruvien. Au mépris des lois internationales. Évidemment. Alors les gens de la DEA ont décidé d'agir et de se débarrasser de Montesinos. En révélant ses turpitudes? Oui, l'origine de la chute de Montesinos se trouve là, dans ce conflit entre la CIA et la DEA. En tout cas, un mystère demeure. Qui a bien pu dérober la cassette dont la diffusion a tout déclenché? Dans le journal El Comercio, le grand écrivain péruvien Mario Vargas Llosa revient sur les charges qui pèsent sur Fujimori. L'ancien dictateur soutient, bien évidemment, qu'il n'était au courant de rien, que tous ses crimes étaient préparés dans le plus grand secret, et qu'il ignorait jusqu'à l'existence du groupe Colina. Mais d'après de nombreux témoignages, ces crimes s'inscrivaient dans une véritable stratégie de guerre clandestine contre le terrorisme conçue et ordonnée au plus haut niveau de la hiérarchie militaire, dont le chef suprême, selon la Constitution, n'est autre que le président de la République. Cependant, il paraît pour le moins difficile de croire que dans un régime aussi hiérarchisé et personnalisé que celui de Fujimori, des commandos aient pu agir de façon autonome, sans l'aval de leur chef, alors qu'ils avaient l'appui de l'armée et qu'ils commettaient des crimes, mettant en jeu leur carrière professionnelle et leur liberté.